La paire. Ce qui compte pour être bien chez soi, ce n'est pas le temps qu'on y passe, ni les questions qu'on se pose, mais plutôt à qui on fait appel. Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Conseil à domicile, conseil en magasin, atelier, livraison, pause, on vous accompagne dans tous vos projets. La paire, la qualité réservée à tous. Conditions sur lapaire.fr. Le 11 avril 1961, Adolf Eichmann comparaît à Jérusalem pour 15 chefs d'accusation, dont crimes contre le peuple juif, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ce procès attire deux fois plus de journalistes qu'à Nuremberg et est presque intégralement filmé pour les télévisions du monde entier. Parmi ces journalistes, la philosophe Hannah Arendt, qui réside alors aux États-Unis, décide de couvrir le procès Eichmann pour The New Yorker. Ces articles sont publiés sous forme de livres en 1963 sous le titre Eichmann à Jérusalem. Et ce qui pose problème, c'est le sous-titre « Rapport sur la banalité du mal ». Comment la philosophe peut-elle employer le terme de « banalité » au sujet d'un homme ayant contribué à exterminer des millions de juifs ? Le livre fait scandale et encore aujourd'hui, l'expression de « banalité du mal » heurte l'entendement de ceux qui la lisent. La philosophe Martine Lebovici est avec nous en studio ce matin pour éviter tout contresens au sujet de cette formule. Ainsi, vous comprendrez peut-être quelle raison j'ai de vouloir assister au procès d'Eichmann. J'ai quitté l'Allemagne en 1933, j'ai raté les procès de Nuremberg et jamais je n'ai vu un nazi. Non, attends. Et jamais je n'ai vu aucune de ces personnes en chair et en os. En chair et en os. Oui, je crois que c'est mieux. Moi aussi. C'est incroyable, non ? La fameuse Hannah Arendt veut faire un reportage pour nous. Ce serait un privilège d'avoir une immigrée juive allemande aussi réputée sur ce procès exceptionnel. Je crois qu'il n'y a pas à hésiter. Pour qui elle se prend ? Elle devrait nous prier à genoux d'écrire pour le New Yorker, comme tout le monde. Frances, elle a quand même écrit les origines du totalitarisme. Très vendeur, ce titre. C'est très brillant, mais c'est abstrait. Je comprends pourquoi elle veut être à Jérusalem. Les philosophes, ils ne savent pas ce que c'est qu'un délai. Bonjour Martine Lebovici. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes maître de conférences émérite en philosophie politique à l'Université de Paris, anciennement Paris Diderot. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur Hannah Arendt, dont celui qui nous intéresse ce matin, coécrit avec Anne-Marie Roviello, Le pervertissement totalitaire, la banalité du mal selon Hannah Arendt, aux éditions Quimet. Vous avez entendu un extrait du film de Margaret von Trotta sur Hannah Arendt. Hannah Arendt qui propose ses services au New Yorker pour aller couvrir le procès Eichmann. Peut-être, dites-nous qui est Hannah Arendt au moment où elle propose ses services et pourquoi décide-t-elle de partir à Jérusalem ? Eh bien, Hannah Arendt est déjà un auteur très reconnu, qui publie, qui s'exprime dans la presse, qui ne cesse de réfléchir, de travailler au moment donc de l'annonce du procès Eichmann. Et elle est d'ailleurs en train de rédiger l'essai sur la Révolution, enfin de la Révolution, qu'elle interrompra pour effectivement aller comme appelée par l'histoire, je dirais, avec un grand H, à ce procès. Et d'ailleurs, l'extrait de Margaret von Trotta le dit très bien. C'est qu'elle elle est partie d'Allemagne en 33, donc au moment où tout ça, le régime nazi commençait, et elle n'a jamais véritablement été confrontée à des acteurs directs du nazisme. Et donc, elle se dit que c'est l'occasion d'en voir un, comme elle dit, en chair et en os. Et d'ailleurs aussi, elle dit que c'est une cura posterior, c'est-à-dire comme une espèce de cure ou de je sais pas comment on peut traduire ici cure, mais en tout cas de cure après coup de quelque chose qu'elle avait vécu au fond elle-même directement, comme une façon de revenir après coup sur le sens de ce qui s'était passé aussi pour elle personnellement. Alors qu'elle n'était pas sur place, hein, c'est ce que vous dites. Non, c'est-à-dire elle est partie en 1933, en avril 1933. Donc elle a vu la prise de pouvoir par Hitler, Mais après, elle a été dans l'immigration et elle a pu s'enfuir aux États-Unis. Après un périple d'ailleurs très rocambolesque. Bah, c'est-à-dire que oui, enfin il y a toute l'histoire de comment elle est passée par la Tchécoslovaquie pour rejoindre la France, et elle est restée 8 ans en France en tant qu'émigrée. Elle a travaillé pour les institutions juives sionistes à ce moment-là, et puis elle a été internée au camp de Gurs. Ouais. Au moment de l'invasion des Allemands, de la France par les Allemands, et puis elle a pu s'enfuir avec son mari et aller ensuite aux États-Unis en passant par Lisbonne, oui. Et là, elle a commencé une vie de... au début, elle n'avait pas de carrière. Hein. Au début, elle était journaliste. Elle faisait presque des petits boulots, on peut presque dire. Et puis, petit à petit, elle a réussi à écrire « Les origines du totalitarisme » qui sont publiés en 1951. Et là, c'est vrai que ça a changé sa vie, quoi. Voilà, et donc voilà. Là, c'est 10 ans après qu'a lieu le procès Eichmann. Exactement. Donc, elle a déjà une certaine notoriété. Ah, hein, une grande notoriété, oui. Une grande notoriété. Oui, tout à fait, oui. Et quand elle se rend sur place à Jérusalem, alors peut-être aussi on peut raconter ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe quand elle arrive au lieu du procès et qu'elle voit Eichmann. Parce que tout d'un coup, ce personnage s'incarne dans un corps. Je dirais d'ailleurs qu'elle ne le voit pas seulement, elle l'écoute aussi. Et je crois que ce qui est très frappant quand on lit Eichmann à Jérusalem, c'est parce qu'on dit voilà, elle voit Eichmann comme s'il suffisait, c'était simplement une affaire de regard. Elle le voit et puis elle le trouve mal habillé, mal rasé, je ne sais pas, quelque chose, j'imagine quelque chose comme ça. Mais elle observe sa gestuelle, mais surtout elle l'écoute. Et elle a une oreille extrêmement fine parce qu'il parle allemand et qu'elle réentend un certain allemand à ce moment-là. Un allemand qu'elle n'avait jamais directement entendu parler. C'est-à-dire un allemand qui continue d'être un allemand... une lingua tertia imperii, c'est-à-dire la langue du Troisième Reich dont a parlé Victor Klemperer. Mm-hmm. Et donc, quand on lit le texte de près, on se rend compte qu'il y a beaucoup de sensibilité à ce qu'elle entend tout autant qu'à ce qu'elle voit. Parce que ce qu'elle entend, pour elle, fait sens d'une certaine manière en rapport aussi avec ce qu'elle connaît du nazisme et du totalitarisme. Donc ça passe par la langue, vous dites. Ah, moi, oui, absolument, absolument. Alors évidemment, il y a toute l'affaire des clichés, des façons de parler sont directement liées à des clichés du nazisme, le langage administratif, etc. Mais à certains moments aussi, elle perçoit des formulations, comme par exemple Gott Glaubiger, quand il parle de religion, il dit « moi je suis Gott Glaubiger », c'est-à-dire je suis un croyant en Dieu. Et elle perçoit immédiatement que ça, c'est une formule employée par les nazis pour désigner justement les religions dans leur pulsion, disons, anti-religieuse, qui était aussi propre à eux. Ou quand elle entend « mort miséricordieuse » dans la bouche, cette fois-ci, de l'avocat de Eichmann, là, elle reconnaît ce qu'elle appelle un symptôme de nazisme. Hein, c'est-à-dire que pour elle, comment elle reconnaît qu'Eichmann est un nazi, c'est précisément pas parce qu'il aurait un discours directement antisémite au procès, etc. Mais c'est parce qu'elle reconnaît qu'il a toujours le rapport au langage. Il a le rapport au langage qui est toujours celui des nazis, qu'il continue d'être. Elle a face à elle cet homme qui a été chargé d'organiser logistiquement la déportation des Juifs à destination des camps de la mort, et qui, pour se défendre... lui-même ou par le biais de son avocat, invoque le respect de la bureaucratie. Oui. Et c'est de là que part sans doute le malentendu, et il faut vraiment qu'on y passe du temps, parce que l'expression de banalité du mal est en lien avec ce malentendu, mais elle en soulève d'autres aussi. Oui. C'est ce décalage entre l'atrocité des crimes commis et les motifs avancés par Eichmann, qui étaient « mais je ne faisais qu'obéir aux ordres, et les ordres et les tâches que je devais faire, que les ordres m'enjoignaient de faire, c'était un travail de bureaucratie. » C'est ça. Alors là, sur sa question, la question de la bureaucratie, il y a chez beaucoup de lecteurs d'Arendt, même chez ceux qui sont admiratifs de Eichmann à Jérusalem, il y a une espèce de malentendu. Parce que il est vrai qu'il y a chez elle une remise en question du côté mécanique de l'activité des fonctionnaires. Elle dit que la bureaucratie, c'est le règne de personne, c'est-à-dire c'est la déresponsabilisation des individus. Mais elle fait un lien quand même dans l'origine du totalitarisme entre la bureaucratie et le totalitarisme. Complètement, elle fait un lien, mais ce serait une erreur de considérer qu'elle fait de l'activité bureaucratique le fin mot de l'affaire, comme si toute bureaucratie, quel que soit le régime, pouvait amener au meurtre. Là, c'est une part de la question, mais ça n'est pas le tout de la question. Et il faudrait avoir le temps d'examiner de manière plus précise qu'est-ce que Eichmann veut dire exactement quand il dit « j'obéissais aux ordres ». Parce qu'il y a un chapitre dans le livre où il précise, et Arendt y attache énormément d'importance, qu'il n'obéissait pas aux ordres, mais qu'il obéissait à la loi. Et il faut alors on se dit, ah ben voilà, c'est toute loi serait, dès qu'on obéit à la loi, ça donnerait le totalitarisme. Non, parce qu'il faut se demander que veut dire la loi dans le nazisme. Or, la loi dans le nazisme, ça ne veut pas dire ces dispositifs écrits qui font partie d'un code auquel tout le monde peut se référer, quitte d'ailleurs à les contester, mais ça veut dire obéir à la volonté du Führer, parce que la doctrine juridique nazie, c'est la volonté du Führer qui est la loi. Or, cette volonté, justement, n'est pas écrite. Elle est suggérée. Elle est suggérée de façon plus directe à ceux qui sont dans le direct entourage du Führer. Et puis ensuite, elle se répercute à tous les échelons. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit déjà dans les origines du totalitarisme. C'est que la bureaucratie nazie n'est pas une bureaucratie comme une autre. Et Arendt a beaucoup étudié cette bureaucratie nazie. Elle ne fonctionne pas par ordre écrit qu'il va falloir appliquer aveuglément. Elle fonctionne par incitation. Il faut comprendre à demi-mot ce que le Führer veut et à partir de là, inventer. Mais c'est là où c'est vraiment passionnant, parce qu'Arendt, dans le livre, pour proposer ces analyses-là, fait référence à Kant, justement. Oui. Parce que l'expression de banalité du mal ne peut pas se comprendre sans celle de mal radical, qui est abordée par Kant. Et Kant montre que la possibilité d'agir moralement ne se pense pas sans la possibilité d'agir conformément à une loi. Oui. Qu'on la respecte ou au contraire qu'on l'entrave. C'est donc la possibilité du mal radical qui est de désobéir complètement à cette loi. Or, la banalité du mal dans la bouche, sous la plume d'Arendt, est une manière de dire que ce n'est plus ainsi que le mal est pensé. Elle écrit dans une lettre à Gershom Scholem le 24 juillet 1963, elle dit « À l'heure actuelle, mon avis est que le mal n'est jamais radical, qu'il est seulement extrême et qu'il ne possède ni profondeur, ni dimension démoniaque. Il peut tout envahir et ravager le monde entier précisément parce qu'il se propage comme un champignon. Il défie la pensée parce que la pensée essaie d'atteindre à la profondeur, de toucher aux racines et du moment qu'elle s'occupe du mal, elle est frustrée parce qu'elle ne trouve rien. C'est là sa banalité. Alors là, il y a énormément, énormément de choses. On a le temps, justement. Il faut poser les éléments et ensuite on les explique. Alors, la question de ce que Arendt dit d'elle-même dans son auto-interprétation, quant au fait qu'avant, elle parlait de mal radical et maintenant, elle parle de mal banal. Alors, le problème avec l'expression « mal radical » telle que Arendt l'emploie, c'est que, d'une part, elle sait très bien que ça fait écho au mal radical kantien, mais dans les origines du totalitarisme, la manière dont elle utilise, le sens qui découle de ses analyses quand elle emploie le mal radical, c'est que si vous voulez, ça n'est jamais comme chez Kant l'idée de la possibilité d'une volonté mauvaise, mm-hmm. qui est au fond l'une des idées qui va avec l'idée du mal radical chez Kant, et donc que l'on entend radical comme étant profond. Mais quand on regarde bien les origines, on se rend compte que radical, ça renvoie à plusieurs choses. Ça renvoie d'une part à la politique du tout ou rien des nazis, ça renvoie à la dénégation de la pluralité humaine, ça renvoie à une démesure logicienne, et elle parle aussi, dans le journal de pensée, quand elle parle du mal radical, de l'invention diabolique du désintéressement. Mmh. C'est-à-dire que elle a repéré dans les acteurs nazis que ce sont des acteurs qui se débarrassent de leur propre soi, qui ne sont plus des quelqu'un, mais qui sont complètement investis dans un désinvestissement d'eux-mêmes, d'une certaine façon. Et que cela est lié à la désolation, c'est-à-dire justement à un déracinement des individus dans le totalitarisme. Donc paradoxalement, radical dès les origines, ça renvoie déjà à un déracinement. En fait, les origines, quand vous dites les origines, c'est du totalitarisme. Et radical étymologiquement, c'est la racine, justement. Absolument. Donc, vous dites qu'il y a déjà un contresens. Mais c'est-à-dire que déjà, la manière dont elle l'emploie dans les origines, c'est en lien avec le déracinement, la désolation propre à la société totalitaire. Et donc, d'une certaine façon, effectivement, la banalité a à voir avec une superficialité, et elle creuse, si je peux dire, la superficialité liée à l'absence de pensée dont on va sans doute parler, avec le mot banalité. Banalité, ça veut dire qu'il n'y a pas de motif profond. Alors, banalité, ça veut... Ce n'est pas le mal pour le mal. Ça veut dire pas mal de choses. C'est-à-dire que... Alors, simplement, ce que j'aurais terminé sur banalité et radicalité, c'est que la grande différence qu'il y a entre la radicalité du mal dans les origines et ce qu'elle appelle la banalité du mal par la suite, c'est l'insistance dans Eichmann à Jérusalem sur l'absence de pensée, sur la Gedankenlosigkeit, la pensée étant... ce qui nous fait aller à une certaine profondeur, alors que l'absence de pensée est liée à une superficialité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça ne veut pas dire, justement, l'absence de pensée? D'abord, ça ne veut pas dire que quelqu'un peut tout à fait être... il peut y avoir de l'absence de pensée chez quelqu'un, alors même qu'il est malin, qu'il a une certaine intelligence, qu'il a une certaine compréhension des situations, etc. L'absence de pensée a un lien avec le banal. Le banal, ça n'est pas l'ordinaire. L'ordinaire, c'est ce qui se produit le plus souvent, ce qui se produit tous les jours. Le banal, c'est plus une affaire de qualité que de quantité. C'est-à-dire, c'est une façon... de ne pas réfléchir, mais qui peut être lié à toutes sortes de situations. Ça peut être lié à des comportements habituels que l'on a, ça peut être lié à l'emploi de formules toutes faites, l'emploi de proverbes. On ne réfléchit pas, le banal, c'est ce qui est... Voilà, mais ça, en soi, ça n'est pas criminel. Non. Ça n'est pas criminel, c'est-à-dire que il y a toute une part de notre vie qui est faite de non-réflexion, de reprise de choses que l'on entend, etc. La question, c'est à quel moment... Enfin, la question, c'est l'oxymore, c'est-à-dire le caractère, oxymorique de l'expression « banalité du mal ». C'est-à-dire, d'abord, Arendt ne dit jamais « banal evil ». Elle dit toujours « banality of evil ». Ça veut dire que c'est un mal. Alors, d'abord, il faut bien entendre de façon très forte qu'il s'agit du mal, et qu'il ne s'agit pas de n'importe quoi. Mm-hmm. Il s'agit du mal, c'est-à-dire du crime. Et Arendt dit toujours d'un des crimes les plus monstrueux qui ait eu lieu, les plus démesurés qui ait eu lieu, c'est-à-dire le génocide des Juifs. Et qu'il s'agit de comprendre en quoi la banalité n'est pas seulement un masquage pour l'individu de ce qui se passe, mais permet de l'effectuer. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de couches de banalité qui permettent à un Eichmann d'effectuer ce qu'il a fait et qui est criminel. Pour elle, il n'y a jamais eu aucun malentendu, je veux dire, dans les formulations qu'elle emploie, où on pourrait la surprendre à dire qu'il ne s'agit pas de crime à aucun oui, moment. Et ni elle, ça, elle insiste bien là-dessus. Ça ne veut pas non plus dire que nous sommes tous des Eichmann en puissance. Mais bien sûr, précisément parce que il faut aller, comment dire, parce que la devenir un criminel comme Eichmann. Demande un investissement de soi-même total dans cette tâche. Et alors justement, ce qui est très difficile, enfin, ce qu'elle essaye de nous expliquer, et c'est d'ailleurs une formule qu'elle emploie, c'est que il savait exactement à quoi aboutissaient les transports qu'il organisait. Il a été à Auschwitz, il a vu un certain nombre de choses. Et même pendant tout un certain temps, et quand il se rappelle ce moment, il dit « c'était affreux, mes jambes flageolaient ». Ça veut dire qu'il y avait encore en lui quelque chose, une relation affective à ce qui arrivait à l'autre, qui évoquait pour lui quelque chose de mauvais. Mais immédiatement après, et ça c'est un bon exemple de banalité du mal, immédiatement après il trouve une formule pour évacuer le trouble de son corps qui continue, qu'il éprouve. Et aussi il retourne, comment dire, l'apitoiement, sur lui-même, mais d'abord sur ces pauvres Allemands qui doivent faire des crimes aussi affreux. Bon, alors je ne sais plus très bien où j'en... Ben, je vous propose, si vous voulez, parce qu'il faut qu'on revienne sur cette expression d'absence de pensée. Voilà, il faut continuer là-dessus. Je vous propose qu'on écoute un extrait d'Eichmann à Jérusalem, donc écrit par Hannah Arendt. C'est un extrait du post-scriptum lu par Bernard Gabay, dans lequel elle explique pourquoi, selon elle, l'attitude d'Eichmann, ce qu'il a commis, eh bien, c'est le résultat de la pure absence de pensée. Mis à part un zèle extraordinaire à s'occuper de son avancement personnel, Eichmann n'avait aucun mobile. Et un tel zèle en soi n'était nullement criminel. Il n'aurait certainement jamais assassiné son supérieur pour prendre son poste. Simplement, il ne s'est jamais rendu compte de ce qu'il faisait, pour le dire de manière familière. Eichmann n'était pas stupide. C'est la pure absence de pensée, ce qui n'est pas du tout la même chose que la stupidité, qui lui a permis de devenir un des plus grands criminels de son époque. Et si cela est banal et même comique, si, avec la meilleure volonté du monde, on ne parvient pas à découvrir en Eichmann la moindre profondeur diabolique ou démoniaque, on ne dit pas pour autant, loin de là, que cela est ordinaire. Il n'est certainement pas si courant que, devant la mort, et surtout au pied de l'échafaud, un homme soit capable de ne penser qu'à des phrases entendues toute sa vie aux enterrements et que ces paroles élevées lui voilent complètement la réalité de sa propre mort. Qu'on puisse être à ce point éloigné de la réalité, à ce point dénué de pensée, que cela puisse faire plus de mal que tous les mauvais instincts réunis qui sont peut-être inhérents à l'homme, telle était effectivement la leçon qu'on pouvait apprendre à Jérusalem. Ce que je voyais, c'est qu'Eichmann était un clown. I saw was a clown. So Eichmann, for instance, was bothered never by anything which he had done to the Jews. Eichmann, par exemple, ne s'est jamais reproché ce qu'il avait fait aux Juifs. Il se reprochait un incident. Il avait giflé le président de la communauté juive de Vienne pendant son interrogatoire. Dieu sait que bien des gens subissaient des traitements pires que celui-là. Pourtant, Eichmann ne se l'est jamais pardonné. Il avait cédé à une impulsion et il pensait que c'était très mal d'avoir perdu son sang-froid. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et on parle des contresens philosophiques cette semaine aujourd'hui. La banalité du mal, l'expression est d'Anna Arendt. On la trouve en sous-titre de son livre sur Eichmann à Jérusalem. Aujourd'hui en compagnie de la philosophe Martine Lebovici qui avec Anne-Marie Roviello a écrit Le pervertissement totalitaire, la banalité du mal selon Anna Arendt. Vous avez entendu la voix d'Anna Arendt, c'était en 73 au micro de Roger Herrera. Vous avez aussi entendu un texte, un extrait d'Eichmann à Jérusalem où elle explique ce que ça signifie qu'agir dans une pure absence de pensée. Ce qui frappe, et encore une fois on a le temps de tout déplier, hein, Martine Lebovici, c'est quand même les termes qu'elle emploie qui sans doute ont contribué au grand malentendu, en tout cas à l'immense polémique qui a suivi la sortie de ce texte, et encore aujourd'hui, on y reviendra, les polémiques sont encore très vivantes. Parmi ce choix de vocabulaire, on trouve le mot de comique dans le texte qu'on a entendu, et de clown dans la bouche d'Arendt. Là, c'est difficile de pas sentir, de pas mal prendre ce décalage. On parle d'extermination des Juifs, et elle parle de grotesque avant, de comique et de clown. Alors, moi, je crois que, effectivement, le mot clown renvoie peut-être à l'extrême difficulté que nous avons tous de nommer les choses quand on a affaire à ces extrémités. Mais ce qu'Arendt veut dire quand elle parle du grotesque d'Eichmann, c'est d'abord une impression dans le prétoire qu'elle n'est absolument pas la seule à avoir ressenti. C'est-à-dire que il y a des moments où il y avait un tel décalage entre ce dont il s'agissait, c'est-à-dire l'extermination de millions de Juifs, et la manière dont ce personnage en parlait, c'est-à-dire les mots qu'il employait pour évoquer sa propre activité concernant cette chose. Il a des formulations qui à certains moments effectivement suscitent un rire, mais il faut savoir quel rire c'est-à-dire c'est un rire amer. C'est-à-dire c'est un rire qui nous prend tellement il y a en face du décalage justement entre la façon dont Eichmann parle de la chose et puis ce qui s'est véritablement passé. Mais il y a autre chose aussi, je crois, dans la démarche d'Arendt à faire ressortir le grotesque d'Eichmann. D'abord, le grotesque, elle parle d'un épouvantable grotesque. Elle a toujours des formules oxymoriques, hein. Un épouvantable grotesque. Le grotesque est peut-être effrayant, justement. Et il peut susciter en nous ce genre de rire. Mais c'est aussi parce que il y a une chose qu'elle veut absolument casser, c'est une quelconque fascination que nous puissions avoir pour un grand criminel comme lui. C'est un petit peu, si vous voulez, on peut penser à Charlie Chaplin dans Le Dictateur. C'est-à-dire que le problème, et même aussi dans les rêves que Charlotte Bérat recueille dans les rêves sous le Troisième Reich, des rêves de personnes qu'elle avait autour d'elle, à qui elle a demandé de raconter leurs rêves, et dans leurs rêves, les nazis sont représentés souvent de façon grotesque. C'est-à-dire que si on avait pu se représenter plus directement le grotesque d'un certain nombre de nazis, peut-être que on aurait moins adhéré à eux et il n'y aurait pas eu cette fascination. Et justement là, ce personnage apparaît pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un d'assez minable. Mais il y a l'opposition entre clown et monstre, c'est pour ça qu'elle a besoin du mot de clown, parce qu'elle ne veut pas accorder à Eichmann la noblesse du monstre, au fond. Absolument, parce que le monstre, effectivement, il est animé de... Bah, il fascine, c'est ce que vous dites. Il fascine, il est animé de volonté, d'une volonté mauvaise. Là, alors, c'est vrai que il y a parfois dans les malentendus, je dirais, des réponses du berger à la bergère. Parce que Arendt a le chic pour les formulations rapides, en particulier la première phrase de l'extrait qu'on a entendu, mis à part un zèle extraordinaire à s'occuper de son avancement personnel, Eichmann n'avait aucun mobile. Alors évidemment, une phrase comme ça, elle est extrêmement brutale, et on a l'image effectivement d'un Eichmann qui est une espèce de pantin complètement qui ne sait absolument pas ce qu'il fait, etc. Mais alors qu'on sait que c'est faux, puisqu'il a vu les lieux justement. Mais voilà, vous décrivez le malaise qu'il avait quand il s'est rendu compte. Ce qui compte, c'est que la différence entre ne pas se rendre compte de ce qu'il fait, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas qu'il est en train d'aller organiser ceci ou cela. C'est qu'il n'a pas, il ne se rend pas compte effectivement, ou il ne veut pas se rendre compte que ce qu'il fait participe au crime. Oui, mais alors c'est là où les détracteurs d'Arendt vont dire mais elle s'est laissée duper par ce nazi qui joue la carte du bureaucrate qui ne fait qu'obéir aux ordres pour se déresponsabiliser. Bon, alors... Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je répondrai à ça que, paradoxalement, à certains moments, Eichmann a un très grand mépris pour les gratte-papier. C'est-à-dire, à un moment, il n'aime pas du tout les gens qui sont simplement des gens qui exécutent ce qu'on leur dit. Et qu'il est extrêmement fier de son activité. À chaque fois qu'il parle de ses activités, en particulier là où il s'est fait remarquer en premier, c'est-à-dire à Vienne, hein, quand il organise un système extrêmement subtil où les Juifs arrivent en bas d'un immeuble, ils passent par un certain nombre de guichets et puis à la fin ils ressortent sans aucun, tous leurs biens ayant été confisqués avec le seul choix éventuel de quitter le pays. Il est extrêmement fier de son organisation. Mmh. Il y a chez lui une vantardise qui est absolument stupéfiante pour Eichmann. Mais ça, si vous voulez, ça lui échappe. C'est-à-dire que moi, nous avec Anne-Marie, on a eu l'impression que c'est surtout l'avocat qui a voulu construire ce personnage, mais qu'il y a beaucoup, et Arendt est constamment sensible à ce qui lui échappe. Parce que le grotesque, ça lui échappe, précisément. C'est-à-dire que ça n'est certainement pas quelque chose qu'il aurait voulu construire pour sa défense. Mmh. De la même manière, sa vantardise, qui va aller jusqu'à lui faire dire que s'il avait dû dénoncer son propre père, il l'aurait fait, et il s'en vante. Il s'en vante parce que il est pris dans cette obéissance à la volonté du Führer, qui ne se dément jamais, à aucun moment, jusqu'à la fin, qui va le faire désobéir à Himmler quand il est en Hongrie. Donc il a une espèce d'obéissance c'est-à-dire qu'il doit percevoir au-delà des ordres comment ça accomplit constamment la volonté de Hitler. Ça dépasse la construction même de sa défense, parce qu'elle sait très bien que quand on est accusé de quelque chose et qu'on passe en procès, eh bien on se construit soi-même en fonction de la défense. Mais, ouais. Et c'est là où Arendt le texte d'Arendt est très fort, c'est qu'elle ne s'en tient pas à un portrait, disons, psychologique, mais qu'il y a une vraie réflexion morale. Elle dit, finalement, chez Eichmann, comme il veut obéir au Führer, comme quelqu'un voudrait obéir à la loi kantienne, à la loi morale, il y a comme une inversion de sa conscience morale. C'est pas qu'il veut le mal pour le mal, c'est en ça qu'on peut pas parler de mal radical. C'est qu'il veut obéir au Führer, coûte que coûte. C'est ça. Et c'est là où, normalement, l'injonction c'est « tu ne tueras point », là l'injonction devient « tu tueras », donc il tue. C'est ça qui est terrifiant. C'est ça. Alors, justement, pour revenir à l'absence de pensée, la question ici... C'est pas la pensée en général. Alors bien sûr que quand elle va réfléchir ensuite dans la vie de l'esprit sur l'absence de pensée, elle va essayer de se demander mais qu'entend-on par pensée ? Qu'est-ce que j'entends par pensée ? Mais Le premier tome de la vie de l'esprit où elle va réfléchir à cela, est là à partir de la question de savoir non pas en quoi la pensée peut commettre directement le mal, ce qui n'a aucun sens, mais quel est le rôle de l'activité de pensée pour reconnaître le mal et aussi pour s'en abstenir. Donc il s'agit de savoir penser le mal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire faire une dissertation sur le non-être du mal, etc. Ça veut dire le reconnaître. C'est toujours distinguer le bien du mal. Pour Arendt, le rapport de la pensée avec le mal, c'est-à-dire avec quelque chose qu'elle va, qui aura d'ailleurs été inachevé dans sa propre démarche, ça va être la question du jugement. C'est-à-dire c'est la question qu'elle va reprendre par la suite et qui est déjà présente dans Eichmann, mais pas élaborée. C'est en quoi l'exercice de la pensée a-t-il à voir avec la capacité de juger ? Et je précise, parce que vous employez le mot de jugement, donc on revient à Kant. En fait, cette référence est importante parce que Eichmann lui-même, pendant son procès, déclare qu'il a vécu toute sa vie selon la définition kantienne du devoir. C'est ça. Alors là, c'est la stupéfaction générale. C'est la stupéfaction générale, mais il y a là. Il ne retient de Kant que la pure forme, mais sans y introduire la notion d'humanité. Oui, puis il remplace la loi par celle du Führer. Le législateur remplace la loi, l'auto-législation du sujet selon Kant par une soumission à la volonté du Führer. Mais justement, et là, c'est là qu'on a quelque chose qui est très spécifique dans le nazisme, c'est que cette obéissance à la volonté du Führer, elle est posée comme elle n'est pas explicite. Donc, il s'agit de la retrouver en soi-même. Il s'agit de faire comme si ce que je faisais était ce que voulait le Führer. Et ça, c'est un dispositif extrêmement spécifique qui est effectivement lié au nazisme. Et qui est terrifiant parce qu'on se demande quand on lit ça si finalement... dès lors qu'on obéit à un ordre qui ne vient pas de nous-mêmes, est-ce qu'on est déjà en train d'être aliéné? Est-ce que notre propre liberté est aliénée? Au fond, ce que Arendt rend visible ici à quelque chose d'assez glaçant. Non, je dirais pas ça parce que il s'agit là d'une situation qui est une situation totalitaire. Et c'est une situation dans laquelle, et ça, c'est quelque chose que l'on peut faire apparaître chez Arendt et qui est aussi présent chez Claude Lefort, c'est que la loi, la dimension même de la loi dans le totalitarisme est pervertie. Il y a un pervertissement de la dimension de la loi qui est abolie. Enfin, la loi est abolie en tant que dimension spécifique dans le totalitarisme. Et effectivement, il n'y a plus de loi, d'une certaine façon. Il n'y a plus de loi au sens de ce qu'elle appelle les régimes fondés sur le droit, pour aller rapidement, quoi. La Zeit, Erziehung, also weltanschauliche Erziehung, Drill, diese Sachen. Eichmann n'est pas un antisémite, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie maintenant? Tu l'as entendu toi-même, il n'a fait qu'obéir à la loi. Il aurait obéi à n'importe quelle loi. Enfin, voyons, ceux qui adhéraient au Parti National Socialiste, surtout en tant qu'SS, étaient bien entendu d'épouvantables antisémites. Il jure qu'il n'a personnellement jamais blessé un seul juif. Ça nous fait une belle jambe. Mais est-ce que ce n'est pas intéressant de voir qu'un homme qui a exécuté tout ce qu'un système meurtrier exigeait de lui, qui révèle, avec empressement, tous les détails concernant la réalisation de son travail, que cet homme insiste sur le fait qu'il n'a personnellement rien contre les juifs. Il ment ! C'est faux, il ne ment pas. Tu es en train de te faire avoir. Il a même prétendu qu'il ne savait pas où allaient les trains. Vous le croyez, là aussi ? Pour lui, ça n'avait aucun intérêt de savoir ou non où ils allaient. Cet homme gérait le transport des gens vers la mort. Mais il ne se sentait pas responsable pour autant. Aussitôt que les trains se mettaient en marche, son travail était terminé. Ah oui ? Et il pense qu'il n'est pour rien dans le sort qui était réservé après à ces hommes et ces femmes qu'il s'est chargé de faire transporter ? Voilà. C'est ça, sa vision des choses. C'est un bureaucrate. Ta quête de la vérité t'honore, mais cette fois, tu t'égares. Mais Kurt, tu ne peux pas nier ce qui saute aux yeux. C'est l'extraordinaire dissemblance qu'il y a entre l'inimaginable cruauté de ses actes et la médiocrité inouïe de sa personne. Sois sans inquiétude, Raël. Nous avons toujours aimé nous chamailler tous les deux. Oui, mais là, je crains qu'elle n'irrite beaucoup d'autres personnes. Elle est comme ça, c'est sa nature. Elle est faite comme ça. Vous ne semblez pas d'accord avec cette interprétation, Martine. C'est-à-dire que bien, bon, moi, j'aime beaucoup le film de Margaret von Trotta, il est formidable, mais là, elle reconstitue des dialogues qui n'ont, enfin, elle reprend des choses qu'elle a lues. Donc c'est Arendt qui discute avec son ami Kurt Blumenfeld. Absolument. Qui lui dit, mais comment peux-tu ne pas tenir Eichmann pour un antisémite? Voilà. Alors, non, mais parce qu'au début, elle lui fait dire à Arendt, il aurait obéi à n'importe quelle loi. Ouais. Je crois que c'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. Alors. Sur la question de l'antisémitisme. Alors, parce qu'en plus, Arendt elle-même est accusée par ses détracteurs d'antisémitisme. Bien sûr. Arendt est juive. Des détracteurs, à l'époque où elle sort le livre et encore aujourd'hui, tiennent Arendt pour une antisémite, notamment en invoquant sa relation avec Heidegger, qui lui adhérait au parti nazi, ce qui rend la relation d'Arendt au judaïsme trouble pour le moins. Oui, enfin. On entend beaucoup. Vous êtes d'accord que ce sont des choses qu'on entend beaucoup, encore aujourd'hui. On entend ça. Et aussi, enfin, il y a aussi eu toutes les accusations de haine de soi et tout ça. Mais de là, enfin, c'était la question du Nouvel Observateur qu'au moment de la traduction d'Eichmann à Jérusalem en France, 1966, Hannah Arendt est-elle antisémite? Bon. Alors, sur l'antisémitisme, je crois que la question de fond, finalement, par rapport à Eichmann, bon, ça n'est pas tellement de savoir si elle le tenait ou pas pour un antisémite. Il était antisémite comme tout le monde, je veux dire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'était l'ambiance générale, je veux dire. On ne pouvait pas ne pas être antisémite en étant SS. Oui, comme tout le monde, veut dire comme tous les SS. Comme tous les SS et comme plein de gens en Allemagne à l'époque. La question, c'est de savoir, est-ce que la signification de son activité et de sa culpabilité, est-ce que c'est l'antisémitisme qui est le moteur principal de ce qu'il fait? Et elle pense que d'une certaine manière, prendre ça, ce qui serait le plus évident d'une certaine façon, comment un SS peut-il ne pas être antisémite, hein? Et s'il agit comme il le fait, et s'il mène à la mort des millions de personnes, c'est par motivation antisémite. Mais la question, c'est dans ce qui fait véritablement son efficacité, dans ce qui fait son automystification, dans ce qui fait son absence de... D'ailleurs, c'est pas tout à fait juste quand on fait dire à Arendt qu'elle dit qu'il ne savait pas. Parce que dans Eichmann à Jérusalem, elle dit qu'il savait. Il savait, oui. Justement. Est-ce que c'est un antisémitisme radical, exterminateur, qui le fait directement agir? Or, Eichmann, quand il dit à un certain moment « je ne suis pas antisémite ». Qu'est-ce que ça veut dire pour lui quand il dit « je ne suis pas antisémite » ? « Je ne suis pas antisémite à la façon de ceux qui sont cruels directement, qui agissent, enfin, qui haïssent les Juifs, etc. directement. Je suis un antisémite politique ». C'est-à-dire que l'extermination des Juifs, et c'est en ça que ça se rapporte peut-être à l'analyse par Arendt de l'antisémitisme proprement totalitaire, l'extermination des Juifs est une nécessité pour le grand projet que Hitler a du Reich de Milan. Et c'est parce que c'est une nécessité objective pour lui d'éliminer les Juifs, même si à certains moments il trouve que quand même c'est un petit peu exagéré, j'aurais jamais cru qu'on irait jusque-là, mais puisque c'est ça qu'il faut faire, eh bien on va le faire. Mais est-ce qu'au fond le problème, c'est pas que quand on parle de nazisme et quand on juge, enfin quand un nazi est jugé, Bah, tout simplement, on n'a pas envie de faire dans la nuance. Et que ce que Arendt fait, c'est justement creuser ce travail de la nuance qui, surtout en 1961 ou 1963, est absolument inaudible. On a envie de dire, mais ne titillons pas sur la forme de l'antisémitisme. Il a contribué à exterminer des millions de juifs, point. On n'a pas envie de penser au-dessus, davantage. Absolument, mais peut-être qu'on ne devrait pas employer le mot nuance, parce que dès qu'on emploie le mot nuance... Nuance pas au sens d'atténuer. Voilà. Ah non, oui, c'est voilà, ça. Non, voilà. Mais creuser. Mais ça veut dire faire des différences. Il y a une insolence du travail de la pensée à ce moment-là. Absolument. Quand elle écrit. Ça veut dire faire des différences. Ce qui est paradoxal. Faire des différences à l'intérieur même de la domination. Pour le dire rapidement, à l'intérieur même de la longue histoire de la domination politique, de la domination politique. Le fait même de vouloir distinguer le régime totalitaire des tyrannies et des dictatures, ça n'est pas pour atténuer les choses, mais c'est pour dire que même dans le mal, c'est ça. Même dans l'effectuation du mal, il y a des distinctions à faire et essayer de ne pas tout mélanger. Et c'est ça, effectivement, qu'elle essaye de faire. Voilà, et on en revient à l'expression de banalité du mal, qui est celle que nous n'avons pas envie d'entendre, cette expression de banalité du mal. Bah, c'est-à-dire que... Est-ce qu'elle la regrette ensuite ? Alors, si vous voulez, d'abord... Parce qu'elle l'emploie que deux fois dans le livre, elle l'emploie c'est le sous-titre, que deux fois, mais elle l'emploie que deux fois. C'est-à-dire que c'est l'expression qu'elle trouve pour... désigner ce qu'elle a compris de tout ça, mais elle ne la réemploiera jamais d'une certaine façon, parce que au fond la suite de son travail, ça va consister justement à réfléchir non pas sur ceux qui se sont alignés, mais sur ceux qui à un moment ont résisté au mal, résisté à l'effectuation du mal. Précisément pour reconstituer de la responsabilité. Parce que si certains ne se sont pas alignés, ça veut dire que précisément ça veut dire que il y a des ressources dans l'être humain pour ne pas faire le mal. Et elle s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé chez ceux qui à un moment on dit ça, je ne peux pas, j'arrête. Alors ça ne veut pas justement forcément dire que c'est une entrée en résistance politique, mais c'est un moment où c'est je ne peux pas, c'est-à-dire que je reste en lien avec ce qui arrive avec ce qui arrive aux autres. Mmh. Hein? Et cet arrêt permet de comprendre, de réfléchir au sens de ce qui est en train de se passer. La pensée, pour Arendt, c'est la recherche de la signification, c'est la recherche du sens. Hein? C'est l'inverse de la banalité. Justement. C'est ça, c'est exactement ça. La banalité, c'est ce qui relève d'une non-réflexion sur le sens. Alors, aussi bien le sens de ce qui arrive aux autres, que le sens de ce que j'ai fait, que je fais moi, parce que Eichmann, comme tous les nazis, n'a jamais aucun remords, et ça veut dire qu'il y a un refus chez lui de se remémorer ce qu'il a fait et de se confronter à ce qu'il a fait comme étant du mal fait aux autres. Donc la banalité, c'est aussi le refus de revenir à la signification de ce que j'ai fait, de ce que j'ai fait moi. Parce que c'est aussi ça, ce qui est effrayant chez Eichmann, c'est qu'à aucun moment, à un moment, il dit le remords, c'est bon pour les petits enfants. Hein, donc à aucun moment, il n'accepte de reconsidérer ce qu'il a fait comme étant criminel. Oui, mais justement, ce refus de réfléchir à ce qu'il a fait, est-ce que ça ne sort pas de la banalité ? Est-ce que la banalité n'est pas précisément l'endroit qui n'est même pas questionné ou n'entre même pas la possibilité de réfléchir à ce qui a été fait ? Il se pose la question et il dit non. Oui, mais à chaque fois, son refus s'accompagne de formulations grandiloquentes. qui viennent justement éloigner la confrontation éventuelle avec, avec lui-même. Mmh. Et la banalité, elle est là. C'est le recours constant à des formulations toutes faites, qui sont d'ailleurs... D'ailleurs, les nazis étaient très forts pour inventer, pour mettre à la disposition des gens de telles formulations, qui viennent éloigner. Et c'est pour ça que Arendt, elle dit qu'il s'agit d'être... l'absence de pensée, c'est un éloignement de la réalité à ce point dénué de pensée. Hein? Alors c'est aussi bien la réalité de ce qui arrive aux autres, mais c'est aussi la réalité de ce que j'ai fait. Mmh. Hein? La pensée aussi chez Arendt est déjà dans Eichmann à Jérusalem. Quand elle parle de, fait un lien avec l'absence de pitié, c'est-à-dire alors la pitié effectivement, c'est il y a quelque chose qui rappelle Rousseau, hein, c'est-à-dire ce mouvement qui me fait sortir de moi-même pour non pas souffrir directement, mais imaginer la souffrance que l'autre est en train de subir. Et la pitié, le mouvement de la pitié a à voir avec la pensée, parce que il ne suffit pas de ressentir, d'avoir les jambes qui flageolent quand on est face à quelque chose de trop épouvantable, mais il s'agit aussi de se représenter ce qui est en train de se passer. Et donc, est-ce qu'on peut dire, et ce sera le mot de la fin, Martine Lebovici, que pour comprendre la formule de banalité du mal telle qu'elle est employée par Arendt au sujet du procès d'Eichmann, qu'il faut entendre dans banalité l'absence de pensée? Ça a à voir avec, oui, ça, bien sûr, ça a à voir. Mais si on entend bien que la pensée ici, c'est que ça a à voir avec arriver à distinguer le bien du mal. Deux mots sur Heidegger. Allez-y. Hein, 30 secondes. Que s'il y a bien quelque chose qui distingue Heidegger, Arendt de Heidegger, c'est la préoccupation que Arendt a toujours eue dès les origines totalitaristes pour la question du mal, c'est-à-dire pour la question éthique, ce qui n'est absolument pas le cas de Heidegger. Pour en savoir plus sur ce sujet, je renvoie les auditeurs au livre que vous avez coécrit avec Anne-Marie Roviello, Le pervertissement totalitaire, la banalité du mal selon Hannah Arendt, aux éditions Kimé. Merci beaucoup d'être venue nous parler d'Arendt et de la banalité du mal ce matin. Merci à vous, Adèle. On mettra votre bibliographie en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. On se quitte avec un choix de Nicolas Berger, puisque vous ferez le lien tout seul. Sous un chapeau de paille, je siffle un jus de papaye avec paille. Sous le soleil du rail, les souvenirs m'assaillent. Aïe aïe aïe. Il y a des couillonnes qui parlent d'extradition, mais pour moi, pas question de payer l'addition. Je n'étais qu'un homme de paille, mais je crains des représailles où que j'aille. Sous un chapeau de paille, je siffle un jus de papaye avec paille. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes, tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Alors allons, à la limite, vers l'objet le plus ambigu qui soit, arraché à une civilisation antérieure de plusieurs milliers d'années au concept d'œuvre d'art comme au concept de civilisation d'ailleurs. Entrons dans une grotte, la grotte Chauvet par exemple, ou plutôt faisons y entrer le concept d'œuvre d'art et voyons ce qui peut en rester dans ces conditions un peu extrêmes d'humidité et d'obscurité historique. Les théoriciens de l'art adorent les grottes ornées. Elles sont, avec les installations d'art contemporain à l'autre bout du temps, moins des œuvres que des rébus étalés sur le sol ou enfouis dans la terre. Des rébus qui articulent avec une extrême distinction l'énoncé suivant. Que reste-t-il ici du concept d'œuvre d'art ? Le concept d'œuvre apparaît comme un flash très court dans la nuit épaisse du primitif et de la déconstruction. Le concept d'œuvre ressemble au nuage de points que forme la grotte une fois que, cartographiée par des radars laser, elle est transformée en un espace totalement abstrait. La grotte est d'ailleurs inaccessible. C'est une boîte noire dont il n'existe que des copies ou des reliques. De la grotte, il ne reste plus rien en tant qu'œuvre d'art, disons en tant qu'œuvre d'art liée à des conditions normales d'exposition, typiquement celles du tableau dans un musée. Oui, sauf que la grotte n'a jamais été un musée, n'a jamais été exposée, ni même conçue comme telle. Évidemment, on peut tout au plus la soumettre à ce régime d'exposition. L'objet par lequel la grotte communique le plus directement avec le monde de l'art, c'est ainsi un gigantesque livre, l'Atlas de la grotte Chauvet qui vient de paraître. Le seul équivalent que j'en connaisse, c'est cette encyclopédie de la Joconde analysée selon toutes les techniques possibles qui était parue il y a une dizaine d'années. Il s'agissait cette fois de faire passer l'œuvre irréfutable de l'autre côté du miroir vers le monde minutieux de l'archéologie. L'atlas de la grotte Chauvet est trop somptueux pour qu'on ne soupçonne pas la tentative inverse. Tous ces relevés scientifiques, même sans inclure spécialement les parois ornées, participent d'un tel vouloir artistique, au sens d'Alois Riegel, qu'on en vient à se dire que l'œuvre d'art ce n'est pas la grotte, mais le livre lui-même comme cathédrale de papier, une cathédrale commencée en 1995. Et le livre ne manque pas. Dans le tableau chronologique des différentes représentations de la grotte, qu'on ne peut pas ne pas lire comme une histoire de l'art, de faire figurer le croquis original de l'inventeur de la grotte en 1995. Ainsi que le fac-similé du premier appel d'offres du ministère de la Culture de l'époque pour des investigations archéologiques plus poussées. Au moins deux générations de chercheurs ont été depuis mobilisées pour fabriquer la grotte Chauvet en tant que chef-d'œuvre. Et chef-d'œuvre de quoi ? De l'art pariétal ou de l'archéologie ? Les deux, probablement. Et on tiendrait là une définition possible de l'art qui dépasserait notre obsession académique, muséale et datée pour ces objets précieux et déplaçables. L'art, comme dans les phares de Baudelaire, c'est moins le caillou lui-même que son ricochet à travers le temps, et cet énorme atlas n'est qu'une façon explicite de signifier qu'on va relancer la pierre et refaire quelques ondes. Donc une œuvre d'art, pour répondre à votre question initiale, ce serait un certain type d'événement, un événement à rebondissement ? Exactement, sauf qu'à feuilleter cet atlas, il m'est venu une idée d'un classicisme inattendu. Cette grotte, détourée par la machine dans toutes sortes de vues en 3D, était bien devenue un objet déplaçable. Pire, entre la rampe qui permet encore d'y monter le long d'une faille géologique et l'arche disparue qui lui servit longtemps de cadre avant qu'un éboulement ne fasse coulisser la vitre blindée d'un abat de rocher devant son entrée pour la garder à l'abri le temps qu'on invente le radar laser, j'ai eu la sensation que la grotte était, depuis le début et essentiellement, une entité muséale. Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et merci beaucoup à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier en compagnie de Manon de la Selle, Laure Blanqui, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, c'était Jérémy Kaufmann. À la lecture des textes, Bernard Gabet. Je vous donne rendez-vous demain pour un cours particulier. Désormais, le vendredi, vous aurez des cours particuliers. Et demain, nous serons en compagnie de la psychanalyste Julia Kristeva qui vous parlera évidemment de psychanalyse, mais aussi de ce parcours et posera cette question passionnante, à savoir est-ce qu'on peut psychanalyser un texte littéraire. Rendez-vous demain à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter cette série d'émissions sur les contresens philosophiques. Aujourd'hui, La banalité du mal, donc, une émission à réécouter en vous rendant sur le site de France Culture ou en téléchargeant par exemple l'application Radio France qui vous permet d'écouter chaque émission en direct, mais aussi en téléchargement, en podcast pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez et garder le nombre d'émissions de votre choix aussi longtemps que vous le voulez. Rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, on est toujours ravis de vous y croiser. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.